C'est un bon matin pour entreprendre une chanson. Sur la page blanche, on laisse danser le crayon. Peu importe le message, on se lance sans bagage. On verra en cours de route comment se moquer des doutes. C'est un bon matin pour entreprendre une chanson. Au fond de ma tête tourne cette mélodie. Me faut lui donner des ailes pour qu'elle s'enfuit. Je m'ennuie de mon silence, elle muse la patience. Vivement qu'elle dégage, qu'elle trouve une autre cage. On peut donc être malade d'une mélodie. Comme un oiseau fou qui tourne en rond dans sa prison, un petit bouquet de notes mutant papillon. Il s'invente des voyages, des paradis sans nuages, des champs de fleurs qu'il butine, et plein de roses sans épines. Papillon se grise dans les champs de ma chanson. Trouver les bons mots pour habiller ce petit air, y cacher petit bout d'âme pour être sincère, partager de la tendresse pour éloigner la tristesse, dire qu'on est solidaire, qu'on est sur la même terre. Impossible d'être heureux où règne la misère. C'est un bon matin pour laisser naître une chanson. Sur la plage blanche, on laisse danser le crayon. On se lance sans bagage, en cueillette des images, le cœur ouvert à l'écoute et la raison en déroute. C'est un bon matin pour laisser naître une chanson.